Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a envoyé les messages de réponse aux chefs d'État de divers pays qui lui ont fait parvenir les messages de félicitations à l'occasion de la Journée du Soleil. Les destinataires sont le président syrien Bachar al-Assad, le président équato-guinéen Obiang Nguema Mbasogo, le président du Congo démocratique Joseph Kabila Kabongé. Le dirigeant suprême Kim Jong-un leur a exprimé ses vives reconnaissances pour lui avoir formulé leurs meilleurs vœux à l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung. Il s'est exprimé convaincu du développement continu des relations d'amitié et de coopération traditionnelles entre la Corée et leur pays et a souhaité succès dans leurs affaires pour la paix, la stabilité et la prospérité nationale.